Les voies ferrées offrent les services spéciaux au chantier de rétablissement du nord de la province du Hamgyong du Nord, qui a subi d'immenses dégâts naturels à cause de grandes pluies sans précédent dans l'observation météorologique depuis la libération de la Corée. L'État y concentre son potentiel humain, matériel et technique. Les unités principales qui se trouvaient déployées aux secteurs importants de la campagne de 200 jours, y compris la construction de l'avenue Lyomyong, sont expédiées en urgence dans les régions sinistrées. De nombreux volontaires des organismes du cabinet, des ministères, des établissements centraux, des usines, des entreprises et des coopératives de tout le pays prennent part au combat de défense du peuple et de service au peuple organisé par le Parti du Travail de Corée pour qui la primauté des masses populaires est vitale. D'autres secteurs de transport s'efforcent aussi de transporter en urgence les matériaux de construction, les équipements et les bâtisseurs.